La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Bon, enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! C'est à moi. Je suis ma reine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Alors hier, je n'ai pas fait de chronique, mais il faut savoir que c'était l'anniversaire de Gianni, Loyo et Charlet. Happy birthday to you. Si vous avez oublié, il est encore temps de vous rattraper, mais c'est bien parce que c'est férié. Sinon, hier, on a regardé Burn After Reading. Et c'était un régal. Alors j'en profite pour axer ma chronique sur les films des frères Coen, du moins ceux que j'ai préférés, parce que mine de rien, ils font vraiment du bien en période de confinement. Les frères Coen, c'est Joel et Ethan, nés dans le Minnesota. C'est Joel le réalisateur, mais il collabore étroitement avec son petit frère, producteur, mais aussi très souvent co-scénariste. Du coup, on les associe toujours pour toutes leurs œuvres. Oh yeah ! En numéro 1, forcément, The Big Lebowski, ou Erreur sur la personne au Québec. Cette information n'est d'aucune utilité si ce n'est que je tiens à dire que les titres des films en québécois sont super. The Big Lebowski, donc, est sorti en 1998. Il n'a pas obtenu le succès mérité au moment de sa sortie, mais c'est bien après qu'il a atteint le rang de film culte. Il faut dire que c'est un film complètement barré dans lequel Jeff Bridges incarne le Dude, un gros pantouflard méga fan de bowling, qui va se retrouver embarqué dans une histoire à dormir debout. À la suite d'une confusion d'identité, le Dude fait la connaissance de Jeffrey Lebowski, un millionnaire dont l'épouse s'est fait enlever, et qui donc demande au Dude d'aller apporter la rançon au ravisseur, sauf que le meilleur pote du Dude décide de garder la rançon pour eux, et voilà que la fille des Lebowski s'en mêle, alors que le Dude, lui, tout ce qu'il voulait à la base, c'était une compensation parce que quelqu'un avait uriné sur son tapis, et puis, qu'est-ce qu'ils ont tous à s'appeler Lebowski ? Bref. Joel et Ethan Coen, amoureux du quiproquo, nous offrent un délicieux pastiche de films noirs, avec des dialogues cinglants, des séquences de rêves surréalistes, et une bande originale très éclectique. Ça met franchement de bonne humeur. Une fois que vous aurez compris que les histoires de rançon un peu violentes sur un fond de critique en pied de nez de la société américaine, c'était le truc des frères Coen, vous pourrez vous plonger dans No Country for Old Men, les Québécois l'appellent « Non, ce pays n'est pas fait pour les vieux hommes », littéralement. Sorti en 2007, c'est sans doute le film le plus récompensé des deux frangins. Pourtant, l'histoire semble simple. Un type chasse près de la frontière du Mexique et tombe sur des dépouilles de trafiquants de drogue avec une mallette contenant 2 millions de dollars. Du coup, il prend la mallette, mais il se retrouve poursuivi par un tueur à gages, campé par Javier Bardem. Après, bon, le tueur à gages est psychopathe, ça lui ajoute un petit charme. Et puis cette traque, eh bien, elle est narrée avec une totale maîtrise. Sans jamais surenchère. Du coup, forcément, nous, on applaudit. Et puis, vous pourrez enchaîner sur Fargo. Peut-être l'un des plus sanglants, mais aussi l'un des plus beaux, visuellement. Déjà parce qu'il met en scène Frances McDormand, incroyable actrice. C'est la femme de Joel Coen, celle qui joue Linda dans Burn After Reading. Mais sinon, vous l'avez peut-être vue dans Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Et puis parce que c'est tourné dans la neige du Dakota du Nord, avec des habitants qui disent « Oh yeah ?»« Oh yeah !» à la fin de chaque phrase. Encore une histoire d'enlèvement, de rançon et de psychopathe, une sacrée dose d'humour noir, et surtout, un scénario qui prend des tournures rocambolesques, au point où l'on se demande si, à la fin, le dénouement jouera bien son rôle littéral. Je ne vous divulgâche rien, seulement voyez-le. Sinon, je vous conseille Burn After Reading, qui fait vraiment passer un bon moment. Et pour les plus mélomanes, il y a Inside Llewyn Davis, qui raconte l'histoire d'un hobo désœuvré. La musique est trop belle, mais sinon, il est beaucoup plus contemplatif. Enfin, clairement, moi, je me suis endormie devant, je crois. Ou sinon, il y a True Grit, que je n'ai pas vu. Il y en a plein d'autres que j'ai pas vu, en fait. Du coup, vu que c'est férié, je fais pas de jeu concours aujourd'hui, je vais plutôt aller regarder un film des frères Coen. Voilà, je vous retrouve un autre jour, je sais pas quand, pour une autre chronique cinéma. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez bien de la fin de votre week-end pascal. Je m'adresse ici à tous les Pascal et les Pascaux, que j'embrasse, mais aussi à tous les gens qui ne s'appellent pas Pascal. Pas Pascal, pas Pascal, pas Pascal. Et restez branchés sur Radio Boncon, la radio des Boncons. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Mais enfin ! Lutin, lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement !